Vous attendez, Je vous on va essayer explique. de, voilà, Ouais. de brosser un peu. Ouais, donc en fait, moi, je suis en. Ok. Si je peux vous aider, il n'y a pas de. Ouais. Bon. Ouais. Parce que c'est très dur. Donc, vous enregistrez déjà. Oui, oui, oui, Ah, d'accord. Donc, oui. on a pris. D'accord. Et puis, c'est la tradition. Bon. Maintenant, si vous voulez, c'est. Oui, d'accord. Oui, Voilà. ok. Donc, ça, c'est le premier volet. D'accord, Voilà. oui. D'accord. C'est nos trois volets. D'accord, Ici. oui. Ok. Eh bien, c'est dur. Mais souvent, quand, par exemple, par exemple, on essaie de. Voilà. C'est quel. Par exemple, quelqu'un qui vient ici, et puis je prends un exemple anonyme, mais qu'on a vécu. Hein. Ouais. Ah bon, vous comprenez D'accord, ça? oui. Ah, c'est des choses. C'est fréquent ces choses, Ah oui. oui. Bon, nous, on a vécu le cas ici. Je ne sais pas si c'est fréquent, est-ce que c'est un cas isolé ou si c'est fréquent, je ne sais pas. D'accord. Mais toujours est-il que on n'a pas eu ce type de. D'accord, oui. Donc, par exemple, si Oui, on c'est a spécifique, absolument, vous savez, je vais vous dire une chose, celle que elle avait, vous Ah, bien sûr, comprenez, je ne oui, bien sais pas sûr. si vous comprenez, Si, bien sûr. voilà, vous comprenez. Chaque, voilà, par exemple, voilà, D'accord. ça permet un plus, parce que là, ce n'est plus archi-plein. D'accord. Voilà. Ok. Qu'on fait ça. Voilà. Et parce qu'on est. Et donc, comme je dis, Oui. et beaucoup de. Bon, nos amis qui viennent, là, c'est une très belle fête qu'on fait. D'accord. Avec. Y a tout. Musique moderne, mais africaine. Voilà, comme D'accord. Alpha Blondy, les coupés décalés. D'accord. Voilà. Ok. Et puis. D'accord. On ne se comprend pas. Est-ce que c'est. Non, non, non, non, Non? non, non. Hein? Ouais. Voilà. C'est dommage. Vraiment. Et ces discussions-là, des fois, vous n'êtes pas d'accord? Ça arrive que vous ne soyez pas d'accord ou. Et mais c'est comme ça qu'on discute. Mais bon, ça ne va pas plus loin que le cadre de la réunion. D'accord. Donc, du fait qu'on s'est dit l'année prochaine, hein, et puis on analyse, et. Hein, mais ça n'a jamais arrivé. Oui, Voilà. d'accord. Bon. D'accord. Hein? Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui veut maintenant adhérer comme vous, dit ben, j'aime votre association, j'aimerais faire partie. Eh ben, vous paierez et puis 25 de cotisation annuelle. 85 euros, ça veut dire 65 euros plus 25 de cotisation. Oui, Que 25. d'accord. Voilà. Je crois qu'on table facilement sur une cinquantaine. D'accord, Ouais, une oui. cinquantaine. Mais la dernière fois au festival. Je crois qu'il y a 6. On a vu 6. D'accord. Ouais. Donc une cinquantaine. Oui, c'est peu finalement. Pour l'instant, oui. Mais bon, là, je ne sais pas, mais je sais que, oui, je dirais. Voilà. D'accord. Par rapport à donc c'est. Mais je vais vous dire une chose. Oui. L'Ivoirien n'a pas la bougeotte. Parce que il y a tout qui a commencé à chambouler. D'accord, oui. Et c'est à partir de là, D'accord, voilà. oui. Et puis même si, et ça, comme je disais tantôt, si tu fais ton. Et si tu dois. Bon, donc on essaie d'aller voir ailleurs, qu'est-ce D'accord. qui pourrait nous permettre de. Donc ça c'est pas oui. Ben, vous D'accord. savez. Hein? Ah, j'ai pas demandé un café. Oui, Ça, c'est c'est bon. que madame. Je viens le verre d'eau, juste s'il vous plaît. Sinon, café, thé. Non, bah, juste l'eau, pour moi ce sera pas. J'ai bu beaucoup de café ce Ah, matin, donc d'accord. je vais. Merci. C'est ce que je dis à chaque fois quand je. Vous comprenez, ça veut tout dire. Hein. Oui. Tu veux quelque chose? Non, merci. Hein, qui s'est taillé. Bon. D'accord. Donc, c'est toute la différence. Donc, on vient, mais toujours est-il que le travail. Travail, voilà. Complètement. Et au niveau de tout ça Mais pour l'instant, vous comprenez? Oui. Ils essaient de comment est-ce qu'on dirait, genre, donc, Oui. on trouve soi, par exemple. Donc, c'est comme ça. Bon, c'est très politique, on ne va pas se lancer dans ce débat, j'espère. Mais sinon, bon, c'est comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, oui, parce que... Par exemple, si on prend le cas de... tu perçois 12 mois. Hein, 12 mois, au moins 3 ou 6 mois, je crois. D'accord. Donc, c'est comme ça. Vous comprenez? Ici, quand on voit patati patata, voilà. Puis on essaie de faire aller, oui. De faire avancer. Oui, oui. C'est comme ça. Hein? Oui. Non. Non, pas non, du non, non, non, non, non, nous, non, non, non, non, non, non, non. Par contre, comme je disais, oui, là on peut, hein, au profit de. Comme on la lâche pas. D'accord, ouais. Voilà. Et c'est ça qui fait que pour jusque là, là je sais pas. Mais d'accord. Là je sais pas. Ouais. Parce que j'avais rencontré quelqu'un qui me disait que vraiment. De première. Ah ouais. Ah oui, qu'il avait vraiment de difficultés. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Bah bon, c'est... oui. C'est parce que il faut vous dire, par exemple, l'aventurier. Ah, j'ai été comme ça, j'ai eu ça, ou j'ai vu ça, ou. Voilà. Là, on sait, oh, celui-là. D'accord. Eh bien, tu n'es pas un aventurier. D'accord. Voilà. Tu vis sur RMI, c'est évident. Mais c'est complètement. Ouais, ça. C'est ça. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos. Mais oui, pour l'instant, on est en train de vouloir. Comme est-ce qu'on dirait, genre, pourquoi pas essayer? D'accord. C'est quelque chose qu'on a déjà essayé. Et donc, on verra maintenant qu'est-ce que ça va donner. Hein? Essayer de copier pour voir comment est-ce que ça peut marcher. D'accord, oui. Ok. Mais donc, bon, c'est un projet. C'est un projet. Pour l'instant, c'est embryonnaire. Oui. Voilà. Donc, essayer quand même de. D'accord. Voilà. Par exemple, pour l'instant, je sais pas les données qui. Oui, je sais dans quel domaine. Je sais rien. Je sais rien. Est-ce qu'on va. Hein? Oui. Une fois là, une autre fois ici, ainsi de suite, ouais, on peut faire quelque chose. D'accord. On voilà. D'accord. Essayer de. Il y a. D'accord. Voilà. Oui. On discute. Oui. Et nous, on dit voilà. Nos objectifs, et puis lui, quand il va, il discute, et puis bon. D'accord. Par exemple, je donne un exemple. La dernière Coupe du Monde, ça c'était un événement grandiose. Ok. Ça veut dire que ça, patati patata. D'accord. Voilà. Et mais tout ça là, pour l'instant, TVA comprise. D'accord. Voilà. Donc, oui, ça c'est aussi un travail qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, on est un comité sur place. Au niveau de l'ambassade, et ils ont créé maintenant un comité. C'est en train de bouger. Ils ont créé maintenant un comité de choses. D'accord. Et au niveau des choses là-bas, et même qu'on a un représentant national. Et, ben, oui. Et puis, par exemple, on a aussi bon, des réunions, par exemple, mais pas au niveau gouvernemental, hein. Souvent en contact, même avec. Mais non, donc. Contact, on n'a pas, on ne discute pas, ce n'est pas des amis. Mais quand, voilà, on peut librement parler, poser nos questions, et. Comme ça. D'accord. Voilà. Oui. Donc, oui, on est, pour moi, oui. D'accord. Et bon. D'accord, oui. Voilà, okay. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Bon, donc, c'est comme ça que on les a connus. D'accord. Et puis bon, oui. on participe souvent à leur... D'accord, oui. Oui. Non. En discussion, ça va être en discussion. Oui. D'accord. Et au niveau de... comment je pose une question. Ça veut dire, c'est je me demande en fait est-ce que ça joue un rôle aussi par rapport à la façon dont on est par le Je sais pas. Ben bon, par rapport à la non. Je vois pas. Non, c'est pas. Non, je crois pas. Je crois pas. Seulement. Oui. Voilà. Oui. D'accord. Oui, ça c'est. D'accord. Voilà. Ouais. Donc par rapport à là, c'est le rôle que. Par exemple. D'accord. Hein? Oui, effectivement, mm-hmm. Oui. D'accord. Voilà. Je me demande un peu. Ben oui. D'accord. Voilà. Ouais. J'arrête. Oui. Voilà. D'accord. Jeff. Oui, d'accord. Ouais. Il y a, si vous voulez, le phénomène de choses. Il y a. Oui. Hein? Donc, oui. Et que. Mais bon, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, par exemple, si je prends mon exemple personnel, eh bien. Oui. Ah, c'est voilà. C'est vrai, c'est... Voilà. Hein? Oui. Non, mais ils savent que... Mais... Bon. Oui. Voilà. Hein? Quoi? Oui. Comme il y a Emily, il y a... Par rapport à quoi? Voilà. Voilà. D'accord. Mais ce n'est pas possible. Ouais, et puis, il faut voir... Oui, c'est possible. Parce que quand. Hein? Parce que tout est dans un mot. Deux fois, il y a un mot qui dit. C'est voilà. Et c'est pas évident. Tout à l'envers. D'accord, oui. Okay. Hein? Oui. Ok. Bon, voilà. Ok. Patati patata. Voilà. Donc, non. En principe, mais. Oui. Vous comprenez? Oui. Hein? C'est important. Oui, oui. Ouais, pour les... c'est beaucoup important. Et mes enfants. Et que mes enfants, ma femme, à ses parents, une fois, c'est waouh, faut venir, tu vas voir, c'est cool. Donc, je suis venu en vacances. Oui. Et ben moi, vu que c'est justement quelqu'un qui oui. Je me suis dit, ben, il a intériorisé. Non. Non. Ah, non. Pourquoi? Mais je vous dirai tout simplement. Ok. Oui. Ordinateur, patati patata. Non, non. Je vais vous dire une chose. Oui. On est premier en ananas. Oui. De c'est tout, de tout, de bon coton. On est bon. Ah. Hein? Ok. Voilà. Pourquoi? Ben. Oui. Ok. Oui. Oui, complètement. Non. Oui. Je vais vous donner. Pour résumer tout ça là, il faut le rendre aveugle. Lui, voit, il verra. Il verra. Oui, non, c'est sûr que c'est. C'est ça. Ça. Nous, on essaie quand même de. Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Oui. Ouais. Oui. Oui. Comme je disais au début. Bon, mais. Moi, pour vous donner un petit exemple. Vous voyez, non. Donc c'est comme ça. Voilà. Voilà. Et je. Voilà. Voilà. Chirac qui a trahi jusqu'à destin. Donc, donc c'est toujours comme. Vous voulez une torche? Attendez, je vous. Non, je vous envoie quelque chose. Juste un petit mouchoir. Je voyais que j'avais plein de. Non, non, moi aussi. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments.